Lecture dans l'œuf du matin. Prendre un œuf bien frais. Cassez-le dans une poêle bien chaude. Allez-y. Allez. Ok. Une coquille est un mauvais présage. Si elle tombe côté pile, restez chez vous. Côté face, ça peut aller, encore faut-il que le jaune reste en place. Un voile nuageux sur le jaune ? Vous aurez une intoxication alimentaire. La consistance du blanc révèle votre énergie de la journée. Plus il est ferme, plus vous aurez du ressort. Si vous ne parvenez pas à faire cuire le blanc, c'est sûrement que vous manquez d'assurance. Observez bien la forme de votre œuf saisi sur le vif. Si vous observez une forme de lama, peut-être qu'un voyage dans les Andes vous ferait du bien. Pour savoir si vous rencontrerez votre âme sœur aujourd'hui, demandez à votre jaune d'œuf. S'il n'éclate pas dans les 5 secondes après la question, vous avez toutes vos chances. Enfin, si votre œuf au plat ressemble à un œuf à la coque, fermez les volets et retournez vous coucher.